garçon de bonne mine, timide, naïf, emprunté, qui sur votre chemin chemine, en rêvant à votre côté. Il porte le chien ou la mante, il compte dans le mobilier, et se presque une gouvernante. Voilà ce qu'est un chandelier. Il se contente d'un sourire, il a tout ce qu'on voit de vous, et rien de ce qu'on en désire. Il reste au seuil du rendez-vous. Cependant, c'est lui que soupçonne les poux prompts à se défier. Surveille plus personne, hormis le pauvre chandelier. Qu'en dites-vous, ma chère? Je n'en dis rien. Ce n'est guère. Songez-y, les soupçons d'un mari jaloux volent sur vous, attirent d'elle. Il faut les fixer n'importe où. Ce ne sont pas des hirondelles. Ne craignez-vous pas cependant qu'ainsi je ne me comprenne.